Triplix l'insaisissable de Joé Moselli, lu par Mélodie Marine. Première partie. Le mort qui n'est pas mort. Chapitre 1er. Monsieur Joé Blanquette, de Scotland Yard, annonça l'huissier en tendant un large bristol à monsieur Serpier, le nouveau chef de la sûreté. Ce monsieur dit que c'est extrêmement urgent. Joé Blanquette. « Ah oui !» murmura le haut fonctionnaire, les sourcils froncés. « Eh bien, faites entrer !» Fatigué par une nuit mouvementée et passé à donner la chasse à un dangereux anarchiste et à l'arrêter, M. Serpier venait brusquement de se rappeler le nom de son visiteur. Un visiteur de marque, en vérité. Joé Blanquette, le grand détective anglais, dont les enquêtes étaient célèbres dans le monde entier. Joé Blanquette, qui avait réussi à arrêter, après 17 mois de filature, les assassins du cousin de l'empereur du Japon, qui avait découvert les cambrioleurs de la grande bijouterie du Strand, plus d'1 million de livres sterling de butin. Joé Blanquette, enfin le grand Joé Blanquette. Il faut décidément que je sois rudement fatigué, pensa M. Serpier, juste au moment où la porte de son cabinet s'ouvrait pour laisser passer un gentleman grand et maigre, à la face osseuse et rasée, lèvres presque invisibles, nez en coupe-vent, petits yeux gris, et dont les vêtements sobres de coupe, sombres de nuances, annonçaient plutôt un clergyman qu'un policier. « Enchanté, monsieur Blanquette, de faire votre connaissance, » assura monsieur Serpier, qui s'était levé. « Soyez le bienvenu ici, je... »« Merci, » fit Joé Blanquette d'une voix rauque, comme cassée. « Merci, » répéta-t-il. « Je vous priais de m'écouter, vite. Dans 10 minutes, j'étais mort. » C'était pour cela que j'étais venu ici. Sans cela, je n'avais jamais besoin de la police française. Je vous priais de prendre des notes, vite, vous me comprenez. Certes, M. Serpier, au cours d'une longue carrière, qui de secrétaire d'un petit commissariat l'avait fait parvenir aux hautes fonctions qu'il occupait maintenant, en avait vu de toutes les couleurs. Il croyait ne plus être capable de s'étonner de rien. Il constatait à présent qu'il s'était trompé. Jamais semblable situation ne s'était présentée. Il dut faire un violent effort sur lui-même pour conserver son sang-froid, et une explication s'imposa instantanément à son esprit. L'homme était fou. « Yes, vous me croyez fou. Je ne suis pas fou. Et vous allez bientôt voir que je disais la vérité. Je vais mourir. Si vous m'écoutez pas tout de suite, vous serez la cause d'une grande crime, de plusieurs. Et puis, j'avais vite fini. La mort n'attendait pas. Elle m'avait empoisonné. » Poison canaque, pas de remède. Vous ferez l'enquête. Je ne pouvais vous expliquer tout. Il y a un hypérite, un germano-américain, un... Oui, un allemand naturalisé américain, précisa M. Serpier, que le ton grave de son visiteur avait convaincu. Yes, c'est une grande criminelle. Louis et un autre. L'autre, je ne le connaissais pas. Elle, il... Si vous voulez parler anglais, peut-être serait-ce mieux. Je parle couramment votre langue, monsieur, interrompit M. Serpier, avec le plus pur accent britannique. Ah, oh, je suis content, fit Joé Blanquette. Comme cela, je pourrais finir. Parce que mes forces s'en vont, vous savez. Avant tout, je vous demande de ne pas faire connaître ma mort. Il ne faut pas que les bandits sachent qu'ils ont réussi. La voix du célèbre détective était maintenant tellement rauque qu'elle s'entendait à peine. Vous avez ma parole, monsieur, assura M. Serpier. Mais ne voudriez-vous pas que j'appelle un médecin? « Il y en a un pas loin, un coup de téléphone. Non, laissez-moi finir, je vous prie. Et boire, peut-être avez-vous. Non, laissez-moi finir. Vous ne voyez donc pas que c'est fini. Encore 10 minutes peut-être, et je ne peux déjà plus bouger les jambes. » Monsieur Joé Blanquette, qui s'était laissé tomber sur un des vastes fauteuils de cuir placés devant le bureau d'acajou du chef de la sûreté, désigna des yeux ses jambes étendues et inertes. Monsieur Serpier ne trouva rien à répondre. « Je reprends. » fit le détective anglais. Il y a de cela 7 mois, le croiseur britannique Jaguar, en tournée dans la Polynésie, relâcha à l'île Starbuck, un petit atoll peuplé d'une centaine de Kanaks. Là se trouvait aussi un blanc qui fut amené à bord du Jaguar et qui, questionné par le capitaine, prétendit qu'il était le subrécargue de la goélette Margarita, laquelle se livrait au commerce des perles. Il ajouta que la Margarita, parti de Brisbane 9 semaines auparavant, avait visité les îles Phoenix, Ellis et Fenning, et que, surprise par un cyclone, elle avait sombré, corps et biens, sauf naturellement le soi-disant naufragé, qui déclara se nommer Otto Droll, citoyen américain, un Allemand naturalisé, expliqua-t-il. Or, Otto Droll prétendit être arrivé dans l'île Starbuck 3 jours auparavant, accroché à une planche, alors que depuis plusieurs mois, aucun cyclone n'avait été signalé dans la région. Alors c'est un ouragan terrible, répondit Otto Droll en réponse à la remarque du commandant du Jaguar. Je ne suis pas marin, après tout, et ne suis pas obligé de connaître la différence entre un cyclone et un ouragan. On le garda à bord du croiseur, et on le débarqua 3 semaines plus tard à Auckland. 2 jours après le débarquement d'Otto Droll, les journaux d'Auckland, comme ceux du reste de l'Australie, annoncèrent que le trois-mâts français Anjou, arrivé la veille à San Francisco, avait recueilli en plein océan un canaque nommé Aéo, accroché à un tronc d'arbre et atteint d'une grave blessure, tellement grave qu'il devait en mourir. Avant d'expirer, Aéo raconta qu'il faisait partie de l'équipage de la goélette Margarita. La Margarita, après avoir visité les îles Ellice et Fenning, avait relâché devant l'atoll Maiden, à une cinquantaine de milles au sud des Fenning. Les 2 passagers qu'elle avait à bord avaient débarqué et étaient restés 2 jours dans l'atoll. Ils s'étaient rembarqués et la goélette avait appareillé 4 jours après le départ de la Margarita de l'îlot Maiden. Les marins de l'équipage, depuis le capitaine jusqu'aux mousses, tous des Kanaks ou des Métis, s'étaient sentis incommodés. Plusieurs avaient péri au cours de la nuit suivante, et les survivants qui agonisaient avaient été achevés à coups de barre de cabestan par les 2 mystérieux passagers. Aéo, à cause d'une maladie d'estomac, n'avait que peu mangé. En voyant massacrer ses compagnons, il avait voulu sauter à la mer. Mais au moment où il escaladait le bastingage, un des 2 passagers lui avait brisé plusieurs côtes. Il avait pu nager pourtant et rencontrer cette souche à laquelle il s'était accroché. Ce qu'était devenue la Margarita, il ne le savait pas. Il ignorait également le nom des passagers. 2 jours après avoir été recueilli par l'Anjou, il expira. Monsieur Joe Blanquette s'interrompit. Il haletait. D'un violent effort, il parvint à prendre dans sa poche une petite fiole de bois, en dévissa le bouchon et en but le contenu. J'ai encore 8 ou 9 minutes à vivre grâce à cet antidote, expliqua-t-il à Monsieur Serpier, qui observa que ses yeux étaient déjà ternis par une sorte de buée. Je continue, murmura-t-il d'une voix légèrement plus claire. Vous comprenez la sensation que produisit cette nouvelle. On chercha Otto Droll, on ne le trouva pas. Le Jaguar fut immédiatement envoyé à l'îlot Maiden. Dans cet îlot, un simple atoll, habitait un vieux trader, commerçant suédois, Monsieur Karl Jacobsen, âgé de 83 ans. Monsieur Jacobsen était célèbre dans toute la Polynésie pour sa merveilleuse collection de perles qu'il n'avait jamais voulu vendre. Il séjournait depuis plus d'un demi-siècle dans l'atoll. Sa femme, ses enfants étaient morts. Il ne lui restait plus que sa petite-fille, Julia Jacobsen, âgée de 18 ans. Tous deux vivaient en compagnie de 4 domestiques Kanaks, 2 hommes et 2 femmes, et d'un couple de chiens. Le Jaguar arriva à l'îlot Maiden. Il siffla en vain. Un canot envoyé à terre trouva 5 squelettes humains, admirablement rongés par les crabes bleus, 2 vraies pièces d'anatomie et 2 squelettes de chien. Pas trace de lutte, mais les tibias et les pieds d'un des squelettes manquaient. On découvrit parmi les cocotiers, avoisinant la case, des cendres dans lesquelles étaient enfouis des fragments d'os, des os humains. Il ne fut pas difficile au médecin du croiseur de se rendre compte que ces os provenaient de 2 pieds. On avait dû brûler les pieds de la créature humaine dont le squelette était incomplet. Les assassins, pour dérouter les recherches, avaient coupé à la hauteur des jarrets les jambes calcinées. Inutile de vous dire que l'on chercha en vain les perles de Karl Jacobsen. L'examen des 5 squelettes démontra que l'on se trouvait en présence des restes de 4 Kanaks, hommes et femmes, et d'un homme de race blanche. C'était ce dernier qui avait eu les jambes brûlées. L'homme ne pouvait être que Jacobsen. Mais sa petite fille, on la rechercha en vain. Je me rappelle maintenant. J'ai entendu parler de cette affaire, s'écria Monsieur Serpier. Ne m'interrompez pas, je vous prie. L'on rechercha Otto Droll. On ne le trouva pas. Et devant l'émotion causée par cet horrible crime, je fus chargé de l'affaire. Oh, je n'irai pas jusqu'au bout. Monsieur Joe Blanquette fit entendre un souffle rauque. Monsieur Serpier remarqua que sa face était maintenant couleur de cendre. Le détective fit un effort surhumain qui amena des gouttes de sueur à ses tempes osseuses et parvint à reprendre d'une voix à peine perceptible. Je fus chargé de l'affaire. J'avais un signalement de drôle, un homme de taille moyenne, pourtant beau. Je partis pour Auckland. Une longue enquête. Mon secrétaire y a péri et je meurs. Enfin, j'ai réussi à trouver la piste de mon homme. J'ai pu savoir que son complice, l'homme qui était passager avec lui sur la Margarita, avait les perles et qu'il devait se rencontrer à Marseille. Je suis arrivé à Paris il y a 3 semaines. Autodrôle était au Gigantic Palace, avenue des Champs-Élysées, sous le nom de William Grant. Je l'ai guetté sous divers déguisements, et soudain il a disparu. Il y a de cela 10 jours, complètement disparu. Je crois qu'il a été victime d'un guet-apens, je ne sais pas. Il est revenu hier à l'hôtel, au Gigantic Palace, pendant que je n'étais pas là. Il a pris ses affaires et est parti. C'est lui qui vous a empoisonné? Ne put s'empêcher de questionner Monsieur Serpier. Oui, il y a 21 jours. C'est un poison extrait d'une algue qui vit dans les coraux. Je connais. 21 jours après en avoir absorbé, on meurt. Écoutez, William Grant avait loué un coffre-fort, un compartiment, au Crédit Européen. Il y est allé avant-hier, et après, je crois qu'il a été assassiné. Par son complice? Non, par d'autres. Mais puisque vous saviez que vous aviez absorbé ce poison, pourquoi n'avoir pas aussitôt pris vos mesures pour faire connaître comment ça, Monsieur Serpier? Ce n'est que tout à l'heure, à certains symptômes, que j'ai compris que l'on m'avait fait boire le poison, et je me suis souvenu de. Ah! Ah, c'est fini! C'est fini! Joey Blanquette haleta plus fortement. Ses bras frémirent, sa tête retomba mollement sur le dossier rembourré du fauteuil. Ses yeux se révulsèrent, sa bouche s'ouvrit et ne se referma pas. Tonnerre! S'écria malgré lui Monsieur Serpier, qui jusqu'alors avait conservé ses deux dédoutes. Le timbre de l'appareil téléphonique posé sur son bureau crépita. Le chef de la sûreté tressaillit violemment et d'un geste machinal empoigna le récepteur et le colla à son oreille. Mr. Serpier, fit une voix avec un fort accent anglais. C'est bien Monsieur Serpier, chef de la. Eh oui, qu'est-ce que c'est? Grommela le haut fonctionnaire dont l'énervement était à son comble. Il faillit lâcher l'appareil en entendant ces mots. C'est Monsieur Joey Blanquette de Scotland Yard qui vous parle.